Chapitre 134. Le mérite de saluer à chaque fois celui que l'on rencontre maintes fois dans un laps de temps court, comme celui qui rentre, ressort, puis revient aussitôt, ou juste après avoir été séparé par un court instant, par un arbre par exemple. 859. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte dans le hadith de l'homme qui a mal accompli sa salat, que ce dernier vint à la mosquée où il pria avant de se rendre auprès du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il salua. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui rendit le salut, puis lui dit « Va refaire ta salat, car tu n'as pas prié ». Il retourna donc prier, puis revint auprès du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il salua à nouveau, et il fit de même à trois reprises. Al-Bukhari et Muslim. 860. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Que celui d'entre vous qui rencontre son frère musulman le salue, et si un arbre, un mur ou un rocher les sépare un court instant, qu'il le salue à nouveau. » Abu Daoud. 860.